Justice sociale. Un flic, une balle. Justice sociale. Flic estropié, le peuple tabassé. Flic suicidé, à moitié pardonné. Flic suicidé, à moitié pardonné.